Les participants au séminaire international des idées du Tutsi sur l'indépendance anti-impérialiste et la solidarité ont adressé le vide courant une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé de la lettre. Le séminaire a une grande portée parce qu'il s'est tenu dans la patrie du Tutsi à l'époque historique où tout le peuple coréen opère un grand essor dans l'édification d'une puissance socialiste avec la fierté d'avoir élu le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, lors du 7e congrès du parti. Tous les participants ont pu comprendre parfaitement la noble obligation morale et la fidélité de son Excellence M. Kim Jong-un, qui continue telle quelle les idées et la cause des leaders précédents, et ont vu de leurs propres yeux, une fois de plus, la position et la foi invariable de la Corée. La réalité de la Corée inspire de la confiance dans l'avenir et dans la victoire aux adeptes du kim-sunisme, kim-jong-lisme du monde entier, qui luttent pour la cause d'émancipation de l'humanité. L'œuvre d'émancipation du monde entreprise et conduite à la victoire par le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il est entrée aujourd'hui dans une nouvelle étape élevée grâce à son Excellence M. Kim Jong-un. Nous allons étudier et vulgariser largement le kim-sunisme, kim-jong-lisme conformément à la demande de la réalité en évolution, en le tenant pour conviction pour ainsi réaliser l'émancipation de tous les pays et contribuer davantage à la cause d'émancipation du monde. Finalement, la lettre a souhaité santé à son Excellence M. Kim Jong-un pour l'achèvement de la cause de la transformation de toute la société par le kim-sunisme, kim-jong-lisme en Corée, la réunification indépendante de la Corée et l'émancipation du monde.